c'est vrai qu'on ira demain. Et puis même si c'est pas certain, peu nous importe ce que le vent nous apporte. Nous, on s'aime. Allez, viens, donne-moi ta main. Aidons-nous à aller plus loin. Et si t'as peur de louper ton 4 heures, ton cœur. Dans la vie, il n'y a pas du chagrin. Il y a aussi de jolis matins. Comme dans le monde des merveilles, caressé par le soleil, quand on regarde les traces du chemin, ça crève les yeux. C'est trop ses préférés, le ciel bleu. Mais de crainte, l'ont laissé au Dieu.